Troisième chapitre. Cela va toujours au manoir ? Demanda Joson Thépeau, l'aubergiste, lorsqu'il aperçut dans le cadre de la porte la haute silhouette élancée du charrueur. Toujours, répondit Emmanuel d'une voix distraite. Il promena son regard dans la salle, cherchant quelques figures de connaissance parmi les groupes de buveurs attablés. Mais les jeunes hommes de son âge étaient tous partis reconduire leurs danseuses à la maison familiale, ainsi qu'il est de mode en Bretagne, les soirs de pardon. Il n'y avait là que des étrangers, des gens des paroisses avoisinantes, venus en pèlerinage à Saint-Sauveur, et qui, leurs ablutions terminées à la fontaine, s'arrosaient maintenant l'intérieur du corps, selon le rite, tandis que les montures bridées et scellées piaffaient d'impatience dans la cour. Emmanuel allait s'asseoir à l'écart quand, du fond de la pièce, un paysan qu'il n'avait pas remarqué l'interpella. « Ça, dit l'homme, tu as donc pris de l'orgueil en prenant du grade, que tu ne daignes plus saluer ton ancien ?» Le charrueur riposta en riant. « Dame, tu me tournais le dos, Jean Marzin, et ton nom n'est pas écrit sur le collet de ta veste. » Ce Jean Marzin était précisément le valet de ferme qu'il avait remplacé à Guernaham. Ils rapprochèrent leurs tabourets et se mirent à deviser à la façon bretonne, par phrases courtes, interrompues de longs silences. « Et où es-tu gagé pour l'instant ?» demanda Emmanuel. À 3 lieues d'ici, dans la montagne, chez les Minguis de Rosvilliou. Tout de même, tu n'as pas voulu manquer le pardon de Saint-Sauveur. Oh, ce n'est pas moi, c'est mon jeune maître. Il m'a dit, sur les 2 heures cet après-midi, d'atteler le charabon. Et nous n'avons pas langui en route, je t'assure. Mais s'il était pressé d'arriver, il n'est pas pressé de repartir, en revanche. L'angélus du soir est sonné, et je l'attends encore. Il faut bien qu'on s'acquitte de toutes ces dévotions, mon cher. Ouais, des dévotions à Notre-Dame du mariage. Et sais-tu dans quelle église? Au fait, tu l'as peut-être rencontrée. Moi? Où ça? À Guernaham, donc. Emmanuel se sentit devenir tout pâle. On lui eût porté un coup de poing entre les 2 yeux en plein visage qu'il n'eût pas éprouvé une commotion plus violente. L'autre, attentif seulement à bourrer sa pipe, continua d'un ton calme. « Je prévoyais cela. Depuis les funérailles de Dagorn, il n'était guère de jour qu'il ne m'interrogea sur Guernaham, sur la contenance du domaine, sur la valeur des terres et celle du bétail. Quant au carrefour des 5 croix, il a tiré sur la bride de la jument pour la lancer dans la descente de Saint-Sauveur. Je me suis dit, ça y est, il va nouer commerce avec la veuve. Il faut croire que sa conversation n'aura point paru déplaisante, puisqu'elle dure encore la nuit tombée. Qu'est-ce que tu en penses, camarade? Rien, sinon que Renéane n'est peut-être pas assez guérie de son premier mari pour avoir tant hâte d'en prendre un second. Le Minguis est beau garçon, et comme il a été aux écoles de la ville, il sait la manière de parler aux femmes. Ça te vexe donc que tu te lèves? Le charrueur, un peu nerveux, venait de vider son verre d'un trait. Marzin poursuivit. « Certes, tu as tout à gagner à ce que le veuvage de ta maîtresse ne finisse jamais. Il est plus agréable de commander que d'obéir. Mais Renéane a 22 ans, et Guernaham, si j'ai bonne mémoire, compte sous blé, sous taillis et sous lande, plus de 50 journaux. Va, si ce n'est pas Minguis, ce sera un autre. Soit, conclut Emmanuel, en attendant, j'ai mes bêtes à soigner. Bonsoir, Marzin. Bonne chance, prit Jean. C'était dehors une douce nuit d'arrière-saison, ouatée de petites nues floconneuses, avec des trous de ciel d'un bleu d'ardoise où clignotaient des lueurs d'étoiles. Le charrueur traversa rapidement la place, contourna le mur du cimetière et, les dernières maisons de la bourgade dépassées, s'arrêta brusquement pour respirer avec force, humant l'air de tous côtés comme indécis sur la direction à prendre. Le chemin de Guernham s'amorçait à droite, entre deux hauts talus, au-dessus desquels s'arrondissaient en voûte des frondaisons encore touffues de chênes nains et de coudriers. C'est par là qu'il rentrait d'habitude, pour être plus vite rendu à la ferme. Mais cette fois, au moment de s'y engager, le cœur lui faillit. Il songea qu'il allait peut-être s'y croiser avec le fils de Rosevilleau, et cette idée lui fut pénible. Il se sentait une colère sourde contre cet homme dont, quelques minutes plus tôt, il soupçonnait à peine l'existence. « C'est étrange, se dit-il, je n'ai pas bu de quoi troubler la cervelle d'un oiseau et j'ai pourtant comme une fureur d'eau-de-vie dans les veines. Le mieux est de faire le grand tour par les champs, la fraîcheur me calmera. » Il poussa plus avant sur la route vicinale de Saint-Sauveur à Lannion jusqu'à un échalier de pierre par où l'on pénétrait dans les cultures. Ses pieds baignèrent dans l'humidité des gazons. Des chanvres qu'on avait laissés en terre pour porter graines lui frôlèrent le visage de leur rosée. Peu à peu, la marche détendit ses nerfs et la vertu apaisante des choses nocturnes agit sur sa fièvre à la façon d'un baume. Ses pensées se tassèrent en lui, comme les tranquilles nuées d'argent là-haut dans la profondeur du ciel automnal. Et tout en cheminant, il se raisonna. Pourquoi donc en voudrait-il au Mingui? Est-ce que ce n'était pas le droit d'un chacun de fréquenter à Guernham? Il y faudrait peut-être sa permission maintenant. Qu'avait-il dans la maison qui fût à lui? C'est hard, et voilà tout. Un maigre baluchon de domestique qu'il avait apporté à la main, noué dans un mouchoir, et qu'il remporterait de même un jour à venir, quand on n'aurait plus besoin de ses services. Alors, de quoi se mêlait-il? Va, si ce n'est pas Mingui, ce sera un autre. Cette phrase de Jean Marzin lui frappa de nouveau l'oreille, comme chuchotée par les esprits invisibles de la nuit. Il se la répéta mentalement à plusieurs reprises. Oh, sans animosité, il n'en avait plus contre personne, mais avec un sentiment si douloureux qu'il lui sembla que cela lui faisait mal dans tout l'être. Un autre, c'était pourtant certain que, tôt ou tard, René-Anne se remarierait avec un autre, et cet autre ne serait pas lui. Du coup, il vit clair dans l'inexplicable tristesse qui, depuis des semaines, depuis des mois, lui assombrissait l'âme. Une sorte de percée lumineuse se fit en lui, pareille à ces puits de firmament constellés d'astres qui s'ouvraient entre les rebords immobiles des nuages au-dessus de sa tête. Ce fut comme le jaillissement impétueux d'une eau souterraine, d'une source cachée. La somnambule d'auprès de la fontaine avait dit juste « il aimait ». Guernham, les labours, les bêtes, qu'il devinsse le lot de n'importe qui, cela lui était égal. Mais René-Anne, si on le privait d'elle, il n'avait plus qu'à mourir. Par bonheur, il avait atteint l'aire de la ferme, car il n'aurait plus eu la force d'aller. Une meule de foin était là, creusée à sa base en forme de grotte, à cause des brassées de provende qu'on en tirait journellement pour les chevaux. Emmanuel s'y blottit et, enfoui dans la litière odorante, se mit à sangloter désespérément comme un orphelin sans demeure, comme un pauvre enfant perdu.